Chérie, t'as invité qui pour Noël? Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga, Catherine II de Russie, oh, et les joueurs de Première Ligue. Ah, du coup, je vais peut-être acheter de la bûche. C'est bon, Eric, je dors s'en occupe, il ramène tout un platane. En novembre et en décembre, sur Canal+, A Star is Born, Catherine the Great, la Première Ligue et Platane saison 3. Pour Noël, offrez-vous Canal+, c'est toujours 19,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Offre soumise à condition. Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler. Amérique latine, la fin du cycle de gauche. Nous vivons un pays. Écoutez, nous avons connu une période extraordinaire en Amérique latine. Une période avec la croissance la plus importante, la plus grande redistribution des richesses, le plus d'intégration sociale en Amérique latine. C'était entre 2000 et 2014, avec les élections de Cristina Kirchner, Lula, Evo Morales, Hugo Chavez, Rafael Correa. C'était un âge d'or pour l'Amérique latine. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. On entendait Lula lui-même, il était encore en détention et donnait une interview groupée, parler de Lula à la troisième personne et lancer l'hypothèse que le cycle de gauche était terminé. Ayant mis fin des élections régulières, des coups d'État parlementaires ou mi-parlementaires, mi-militaires, quand ce ne sont pas les régimes de gauche eux-mêmes qui se sont disqualifiés en devenant, comme au Venezuela ou au Nicaragua, la caricature d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que le cycle de droite, voire d'extrême droite, qui semble enclenché depuis, provoque nécessairement l'assentiment populaire. Les événements d'Argentine et du Chili le montrent suffisamment. Notre invité aujourd'hui, Olivier Compagnon, bonjour. Bonjour. Qui a longtemps dirigé l'Institut des hautes études d'Amérique latine à Paris, anime encore un laboratoire, prépare un ouvrage, je peux l'annoncer, hein, sur la théologie de la libération. Oui, vous pouvez. C'est fait. Le cycle de gauche tel que Lula le décrivait, il semblait déterminé par une croissance économique. Il parle de la croissance comme ayant joué un rôle moteur. Oui, effectivement. Alors, c'est pas une détermination, c'est un synchronisme. C'est-à-dire que le cycle de gauche, il commence clairement avec l'élection de Chavez en décembre 98. Et quelques années plus tard, au tout début du XXIe siècle, on voit effectivement les économies latino-américaines décoller, des taux de croissance spectaculaires quand on les regarde depuis l'Europe, entre 5 et 10% annuellement. Et ça, c'est dû non pas à la politique économique de ces gouvernements qui peu à peu s'installent, Lula, Correa, Morales, etc., mais à un contexte international qui est celui de la très forte demande chinoise qui vient s'allier à la demande américaine, la demande européenne, en matières premières, minières, agricoles, qui fait exploser le prix de ces matières premières et qui, effectivement, génère des revenus incroyables dans cette Amérique latine des années 2002-2003, 2013-2014. On ne sait pas que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Amérique latine. Aujourd'hui, elle l'est, effectivement, et elle l'est pour un pays comme le Chili ou pour un pays comme le Brésil, depuis le début des années 2000. Alors, est-ce qu'on peut parler d'ailleurs tout uniment de ces pays? Le Chili, il est plus proche de la Chine d'une certaine manière que le Brésil. Alors, vous avez participé à un numéro de l'Histoire, celui de novembre, consacré à l'Amérique latine. Vous faites une conférence au Festival du film d'histoire de Pessac à côté de Bordeaux, ce sera dimanche. Vous voulez tirer le bilan de ce cycle de gauche pour l'Amérique latine. Le mot Amérique latine, que désigne-t-il vraiment? Il est utilisé depuis le 19e siècle, mais est-ce qu'il est adéquat? Alors ça, c'est une question où il faudrait que vous me réinvitiez, parce qu'on peut y passer vraiment des heures. C'est évident qu'il faut, on ne peut jamais faire l'économie d'entrer dans la spécificité des cas nationaux. Ce qui se passe au Chili aujourd'hui est très différent de ce qui se passe en Bolivie. Et parallèlement, on a quand même un certain nombre de facteurs communs. Par exemple, aujourd'hui, le cycle de déstabilisation et de crise depuis mi-2019, Équateur, Chili, Bolivie, mais aussi dans une moindre mesure Uruguay, Argentine, Venezuela, est très largement lié à un facteur commun qui est précisément la récession économique. Le cycle qu'on évoquait tout à l'heure, il est terminé depuis 2014, et aujourd'hui les grandes difficultés que rencontrent les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, sont d'abord liées à cet épuisement de la croissance économique. Alors pour être précis, et comme on ne dispose pas de beaucoup de temps, Olivier Compagnon, vous l'avez signalé, on va prendre deux pays qui sont dans l'actualité. L'Uruguay, un des tout petits pays d'Amérique latine dans le deuxième tour des élections dimanche, mais d'abord la Bolivie, où la chute toute récente de Morales a semblé signer, sceller la fin du cycle de gauche. On sait que Evo Morales est devenu président en 2006, premier président indien d'un pays dont 63% de la population se dit indienne. Vous l'aviez écouté à Sciences Po quand il était venu à Paris. Yo diría, compañeras y compañeros, primera vez en la historia boliviana, un partido. C'est la première fois dans l'histoire de la Bolivie qu'un parti prône une politique anti-néolibérale, anticoloniale, anti-impérialiste naît du mouvement paysan indigène. Les partis de gauche traditionnels étaient toujours le fait d'intellectuels et de politiciens qui, sous couvert de construire le parti du peuple, s'organisaient, rédigeaient leurs programmes sans sa participation. Notre mouvement politique est réellement l'émanation de ces innombrables marches, de tous ceux qui sont morts durant autant d'années de lutte, 180 ans de vie républicaine. Fondamentalement, ces 20 dernières années de résistance aux politiques néolibérales ont construit le mouvement social des plus démunis de mon pays. Un mouvement, Olivier Compagnon, non pas un parti traditionnel à l'européenne, et pas dirigé par des professionnels de l'intellect ou de la politique, mais qui allie indigènes et paysans. Oui, en sachant que beaucoup de ces indigènes sont des paysans. C'est une superposition des individus plutôt qu'une véritable alliance. C'est très intéressant ce que dit Evo Morales ici, puisque d'abord, effectivement, il montre la rupture majeure que représente son élection en 2006, dans un pays qui est majoritairement indien depuis son indépendance en 1825, et qui n'a jamais été dirigé par quelconque indien que ce soit. Et donc là, il y a une rupture symbolique, comme il y avait eu une rupture symbolique avec l'élection de Lula au Brésil, quelques années auparavant, où on avait un authentique prolétaire, originaire du Nord-Est, qui s'était fait lui-même au travers du syndicalisme et qui soudain accédait au pouvoir. Ça, c'est l'une des forces importantes des gouvernements, enfin d'un certain nombre de ces gouvernements issus du virage à gauche. Mais alors, si indigènes et paysans se confondent, ou presque, avec quelle force peut-on faire alliance ? Alors, pour Morales, il y avait aussi, je dirais, des petites classes moyennes ou un prolétariat urbain qui était particulièrement disqualifié. Il l'évoquait dans son intervention, par la grande mutation néolibérale qui affecte l'Amérique latine à partir des années 80 et qui était dans des voies de prolétarisation et qui se sont retrouvés à un moment donné dans cette candidature qui était celle d'un outsider. C'est beaucoup comme ça qu'on parlait dans les années 2000 pour désigner ces candidats qui ne venaient pas de la classe politique traditionnelle et qui avaient tous en commun, hein, que ce soit Chavez, Lula, Morales, de remettre en cause l'orthodoxie néolibérale, même si cela ne signifie pas qu'il l'ait réellement remise en cause. Beaucoup de leviers et de symboles ont été utilisés par lui, depuis le téléphérique qui relie le haut et le bas de La Paz, et qui est censé effacer des différences sociales, jusqu'aux couleurs indigènes qui ont été utilisées assez systématiquement. Alors, effectivement, il y a eu d'abord la réaffirmation d'une identité indigène de la Bolivie, je dirais l'exhumation d'une histoire, d'un passé qui, dans l'histoire contemporaine du pays, avait plutôt tendu à être gommé. Hein, tout le 19e siècle, c'est plutôt une phase d'invisibilisation des Indiens. Peut-on être moderne en ayant les Indiens ? Au 19e siècle, c'est très clair, la réponse est non. Donc il y a toute cette dimension-là. Si ce n'est que le projet développé ensuite par Morales n'a pas été un projet d'une nation indigène, mais d'une nation plurinationale. C'est ainsi que cela a été formulé. C'était au fond la version bolivienne de ce qu'on appelait dans les années 1990 le multiculturalisme. Et c'est aussi l'un des éléments de transformation profonde qu'a connu la Bolivie pendant ces 14-15 années de pouvoir de Morales. Mais si on ne veut pas affranchir Morales et son groupe de leurs responsabilités, on peut quand même dire qu'il y a eu une tendance grandissante à l'autoritarisme et qu'un petit groupe s'est constitué qui profitait de cette autorité. D'ailleurs, avant de ne pas gagner les élections présidentielles, il avait été défait à un référendum en 2016 où il essayait d'imposer la possibilité d'un troisième mandat, ce que la population majoritairement n'a pas voulu. Oui, alors c'est pas le premier homme politique à perdre un référendum et à faire passer ensuite ce qu'il voulait faire passer par référendum par d'autres voies. Nous l'avons fait en France en 2005 avec les traités européens. Là, il s'est représenté alors que la Constitution n'avait pas été modifiée. Comme l'a fait Chavez quelques années auparavant. Et ça, c'est une des marques d'un certain nombre de ces gouvernements progressistes, entre guillemets. C'est effectivement une tendance à l'autoritarisme au fur et à mesure que les oppositions grandissent. Et le cas extrême, évidemment, dans ces cas-là, c'est le Venezuela de Maduro, qui a connu... Donc Chavez est mort en 2013, Maduro est arrivé au pouvoir en 2013. Et en 2015, il y a vraiment eu un virage autoritaire qui a plongé aujourd'hui le Venezuela dans une situation qui est authentiquement critique. Si on veut faire le parallèle avec le Venezuela, il y a la question de l'extractivisme. Faut-il, puisqu'on mise trop sur les matières premières, continuer à extraire, surtout quand on présente, indigène qu'on est, la terre comme la terre-mère. Alors ici, c'est un ancien ambassadeur de Morales, reconverti dans l'opposition de gauche écologiste à Morales. Il s'appelle Pablo Solon Romero, son père était un grand peintre muraliste. Pablo Solon, fils d'un grand artiste bolivien et soutien de la première heure d'Evo Morales, a rompu avec le président sur cette question du respect de l'environnement et de la déesse terre, pourtant centrale dans la nouvelle constitution. Nous avons dû apprendre sur le tas. Développement, terre-mère, coexister, développer sans détruire la terre-mère. Demander à la terre-mère l'autorisation d'extraire certaines ressources temporairement pour accéder à un niveau de développement minimal pour pouvoir passer à un autre modèle de production de richesse qui ne dépende pas des ressources naturelles. Pour moi, cette question nécessite une décennie de plus. Il a en fait voulu faire alliance en élargissant son spectre avec les mineurs, avec l'industrie extractive, qui d'ailleurs ont mordu la main qu'il leur tendait, parce qu'il y a eu une grande émeute en 2016, l'année du référendum, et les mineurs ont mis à mort le vice-ministre de l'Intérieur de Morales. Exactement, Ilanes. En fait, ce qui ressort ici, c'est une tension qui habite tous ces gouvernements de la gauche. Entre, d'une part, la nécessité du développement économique, de la croissance, parce que la croissance, c'est ce qui rapporte des ressources à l'État, qui peut ensuite les redistribuer pour réduire les inégalités. Ne perdons jamais de vue cette puissance des inégalités dans toutes les sociétés latino-américaines. Et puis, d'autre part, évidemment, l'affirmation croissante de l'enjeu du développement durable et de l'écologie. Et évidemment, cette question se pose de manière d'autant plus cruciale dans un pays comme la Bolivie, où une bonne partie des ressources naturelles se trouvent sur des territoires indigènes. Et ça, c'est l'un des drames, je dirais, de l'histoire de la Bolivie de Morales, c'est-à-dire désolidarisation croissante des mouvements indiens vis-à-vis d'un gouvernement qui est allé très fort dans les logiques extractivistes et qui, à un moment donné, effectivement, a mis en péril les équilibres d'un certain nombre de ces communautés en ouvrant massivement des mines, du pétrole, du gaz, etc., etc. Une chanteuse d'origine indienne qui a été ambassadrice comme Solon. Elle a été ambassadrice à Paris. Elle s'appelle Luzmila Carpio et elle chante la terre-mère, en même temps que le droit des femmes, l'éducation, tout ça, par la redistribution de Morales, l'éducation, le droit des femmes a avancé, mais Pachamama, il faut la respecter. Suelta y tú, oye, muñe. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La fin d'un cycle de gauche en Amérique latine, le dernier signe en étant l'exil de Morales qui est maintenant au Mexique, et puis le nouveau gouvernement qui s'est autoproclamé inverse tous les signes, tous les symboles. Les ambassadeurs ont tous été remplacés, ou du moins démis, sauf celui auprès du Saint-Siège, le palais présidentiel qui avait été abandonné par Morales est réoccupé. Il n'y a plus de ministres indigènes. Alors le président Trump se frotte les mains. Un mot quand même de la stratégie de Washington vis-à-vis de l'Amérique latine, parce que les États de gauche d'Amérique latine isolaient Washington, et Washington a réussi à isoler ceux des États qui restent à gauche. Alors, a réussi dans une large mesure. Là encore, c'est pas nouveau. Depuis le début des années 2000, la tension était très forte, et on se souvient des joutes verbales par médias interposés entre George W. Bush et Chavez. Chavez qui donnait du pétrole gratuitement aux habitants démunis du Bronx pour montrer que le Venezuela était plus puissant que les États-Unis, etc. Et là, on a retrouvé ça, effectivement. Alors, sous Obama, il n'y a pas vraiment eu de politique latino-américaine, en fait, à l'exception du rapprochement Washington-La Havane, qui a été quelque chose de fondamental. Et avec le retour de Trump, avec Trump, on a effectivement un retour aux logiques de Bush. Et là, sans qu'il y ait une intervention directe des États-Unis, on voit d'abord que Trump s'est félicité de la chute de Morales. C'est cette mauvaise gauche, hein, qui avait été définie par Bush dès le début du XXIe siècle, une gauche non gestionnaire, au contraire de la bonne gauche incarnée par quelqu'un comme Michel Bachelet au Chili, par exemple. Et en fait, même si les États-Unis n'ont pas intervenu directement, via l'Organisation des États américains, qui est quand même venue donner un diagnostic sur les élections, en vérité, il y avait une présence américaine. Donc là, effectivement, on est content à Washington, même s'il leur reste un certain nombre d'épines dans le pied, comme notamment Cuba. Cuba est en transition, mais Cuba demeure, et puis d'autre part l'affaire vénézuélienne qui n'est pas terminée, et d'ailleurs dont la résilience interroge beaucoup. Bilan des gauches, on va mettre le mot au pluriel, Olivier Compagnon, vous tentez cette expérience dans une conférence, je le rappelle, dimanche à 11h au Festival du film d'histoire de Pessac qui est dédié à l'Amérique latine. Il y a une gauche convenable, alors vous parliez du Chili de Madame Bachelet, regardez l'Uruguay. C'est le deuxième tour de la présidentielle dimanche prochain. On n'est pas sûr que la gauche réussisse à l'emporter encore, mais elle est au pouvoir depuis une quinzaine d'années. Puis alors, ça s'appelle le Frente Amplio, c'est large. Effectivement, c'est une coalition relativement large qui est au pouvoir depuis une quinzaine d'années et qui a beaucoup contribué à la transformation sociétale, notamment, de ce pays qui est quand même un pays particulier. Pourquoi c'est un pays particulier? C'est un pays d'abord. Parce qu'il est tout petit. D'abord, c'est un petit pays. C'est un pays qui n'a pas énormément de ressources naturelles à exporter, au contraire de ses voisins brésiliens ou argentins. Et puis c'est surtout le seul pays d'Amérique latine qui a une tradition d'État social, d'État-providence, dirions-nous, depuis notre regard européen, et ce, depuis le début du XXe siècle. C'est pour ça que c'est le moins inégalitaire des pays d'Amérique latine, et où effectivement, notamment le gouvernement de Pepe Mujica, entre 2010 et 2015, non seulement a profité de la croissance globale, mais a aussi introduit des réformes sociétales majeures. Alors, dans l'Amérique latine d'aujourd'hui. Avant de parler de ces réformes sociétales, puisque vous prononcez le nom de Pepe Mujica, il faut qu'on s'intéresse évidemment à la figure bonhomme, attirante, très bien mise en scène aussi, de ce vieux président. L'Uruguay a beau être un pays peu inégalitaire, il a connu guérilla et dictature. Mujica a été en prison X années, dont 2 ans dans un puits, et il recevait toujours les visiteurs de la presse internationale dans sa petite chaumine, là, au bout d'un chemin mal goudronné, où il vivait en paysan. Si me tengo que definir, soy un terrón con patas. Je me définirais comme une motte de terre sur pattes. No solo que vivo, y he vivido de la tierra. J'ai vécu et je vis encore de la terre. Y vivo para la tierra. Mais je vis également pour la terre. Et Chacun a besoin d'une marge de bonheur personnel, qu'on en soit conscient ou pas. J'essaye de réserver du temps pour faire ce qui me plaît. C'est ma définition de la liberté humaine. Ma liberté, à moi, je la trouve dans le travail de la terre. Pour moi, le travail physique aide à corriger les excès de l'intellectualisme. Sans lui, on a du mal à évaluer le niveau des difficultés auxquelles on va être confronté dans tout travail que l'on propose de faire. En fait, les mains sont des outils de la pensée. Les mains pensent. Bon, bah, tout le monde ne peut qu'être d'accord avec ça. Encore que, il y a un certain anti-intellectualisme affirmé, comme chez Morales, non ? Même si Mourica, en fait, est un intellectuel, oui. Également. Non, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un anti-intellectualisme. Il y a, de toute évidence, chez Morales notamment, et chez d'autres, un rejet des élites traditionnelles. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'anti-intellectualisme. Au contraire, d'ailleurs, beaucoup de ces gouvernants du virage à gauche, hein, pour le dire rapidement, d'intellectuels issus de la société civile, marqués à gauche dans leur trajectoire. Que n'ont-ils entendu la leçon de Mourica ? Cette très belle formule, on n'a pas créé des républiques pour faire des cours, au sens cours de courtisans. Effectivement, on a créé des républiques pour essayer d'assurer le bien commun, et c'est l'enjeu américain au XXe siècle et au début du XXIe, puisque effectivement, il incarne cette reconversion d'un certain nombre de guérilleros dans le cadre de la démocratie parlementaire. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, effectivement, il y a une symbolique très forte, hein, en 2010, un ancien Tupamaros qui avait pris les armes dans les années 60, qui avait eu le destin que vous avez évoqué, et qui se retrouve effectivement président. Mais on n'est président que pendant un mandat. Oui. On ne peut pas se représenter pour le renouvellement de son mandat. On peut revenir ensuite. Mm-hmm. C'est beaucoup plus prudent, ça aussi. Il y a une sorte de méfiance de l'État chez Mourica, même si vous dites que l'État-providence en Amérique latine a plus ou moins été inventé en Uruguay. Il y a sans doute une méfiance de la personnalisation du pouvoir qui est une des marques de fabrique du politique en Amérique latine, et ce depuis le 19e siècle, cette vieille figure des caudillos, hein, et qui s'est ensuite traduite constitutionnellement par toute une série de régimes très présidentiels qui donnent effectivement un pouvoir important à ceux qui sont élus. On le voit très bien dans le cas du Venezuela, où, disons, quelqu'un comme Chavez, dès lors qu'il était élu dans le cadre de la présidentielle, n'avait guère de soucis à transgresser ensuite les prérogatives du Parlement. En Uruguay, à gauche, pas d'affirmation sociale proclamée haut et fort, à corps et à cri, on rembourse le FMI, mais vous avez prononcé le mot sociétal. Mais il y a des réformes sociétales. Avant le Canada de Trudeau, Mourica a libéralisé le cannabis. Une bonne partie de l'agenda de son gouvernement a été centrée sur les droits démocratiques. En particulier, le cas le plus connu a été la légalisation de la marijuana. Et puis le thème de la dépénalisation de l'avortement, qui venait d'un ancien gouvernement, mais qui avait fait l'objet du veto de Tabaré Vázquez. Et enfin le thème du mariage pour tous. Une femme, c'est un mari et une femme, non à ce qu'ils veulent nous imposer. Vive la famille! Omar, qui vient de se marier avec Federico. Nous en avons pas mal parlé avant de le faire. C'est parce que nous croyons en l'institution du mariage. Il n'y avait pas de loi sur le mariage pour tous en Uruguay, il y en avait une en Argentine. Nous croyons en l'institution du mariage en tant que telle. C'est un pilier qui se répète au cours du temps. Nous croyons en l'amour, au respect, à la compréhension de chacun, à l'engagement, à la loyauté. Je crois qu'encore d'autres pays vont faire pareil. De plus en plus de nations vont le faire. Que les mêmes droits vont être concédés à tous les citoyens. Reportage de Nicolas Garcia et restitution de la manifestation familialiste à Montevideo, faite avec plus ou moins de conviction par Eric Oswald, Frédéric Martin, Franck Olivard. C'est notre équipe, Olivier Compagnon. Vous attachez beaucoup d'importance à ces réformes sociétales dont on pourrait penser qu'elles peuvent passer au-dessus de la tête d'un certain nombre d'habitants de l'Amérique latine. Alors, j'accorde notamment beaucoup d'importance à la dépénalisation de l'avortement qui a eu lieu en Uruguay, puisque aujourd'hui, très rares sont les États latino-américains qui sont allés dans ce sens, alors même que les sociétés latino-américaines ne sont guère différentes dans leurs pratiques amoureuses et sexuelles, notamment de nos sociétés. C'est-à-dire que les jeunes latino-américains ont des relations de plus en plus jeunes, comme partout, et que donc la question de l'avortement, en lien notamment avec l'affirmation de toute une série de mouvements féministes, se pose partout. On sait qu'il y a au moins 2 millions d'avortements aujourd'hui au Brésil, qui sont tous des avortements clandestins. Ce qui pose évidemment des problèmes de santé publique absolument majeurs dès lors qu'on n'a pas les moyens pour aller dans les cliniques privées dont tout le monde sait qu'elles avortent. Donc de la part de Mujica, dépénaliser l'avortement en Uruguay, je crois que c'est donner un signe très fort face à un problème qui est un problème régional et qui n'est pas seulement un problème moral comme aussi bien l'Église catholique que les églises évangéliques en pleine croissance tentent de le faire croire, mais qui est d'abord un problème de santé publique et un problème aussi lié à la déscolarisation précoce des jeunes femmes, etc., etc. Et donc là, je crois qu'il y a une sorte d'exemplarité de ces réformes de Mujica qui a joué un rôle important, je dirais, dans la légitimation de sa figure dans toute la région. On entendait une chanteuse féministe. Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce qu'il y a un point de vue commun qu'on puisse développer sur toute l'Amérique latine du développement des mouvements féministes? C'est difficile là de faire une synthèse rapide parce qu'il y a des configurations très différentes selon les pays. Il y a des pays où il y a des féminismes très anciens comme l'Argentine, liés à la naissance du socialisme ou de l'anarchisme à la fin du 19e siècle et qui ensuite ont évolué. Et puis il y a des féminismes où des pays où les féminismes se radicalisent considérablement en ce moment et jouent un rôle très important dans le mouvement social. Et je pense évidemment au Chili où effectivement on sait que Piñera est confronté à une vague de protestations extrêmement forte, où les femmes jouent un rôle extrêmement important pour porter effectivement des revendications, alors à la fois liées à la condition féminine, mais aussi des revendications plus larges. Mais en tout cas, aujourd'hui, les mouvements féministes font partie des acteurs sociaux mobilisés dans cette Amérique latine très très instable. Quand vous tenterez un bilan des gauches en Amérique latine, à Pessac dimanche, Olivier Compagnon, vous ferez sa place à la défaite du président libéral Macri en Argentine, battu par un néo-péroniste et par Madame Kirchner de retour. Mais ce qui se passe au Chili est quand même particulièrement important. Alors, un mot ressort qui vient de très loin dans l'histoire du pays, peut-être dans l'histoire coloniale même, on le retrouvait, cabildo. C'est-à-dire qu'on se réunit pour discuter. Oui, effectivement, c'était une forme de sociabilité politique, de voisins, de vecinos, comme on le dit en espagnol, et qui pouvait constituer un contre-pouvoir, un pouvoir alternatif au pouvoir royal et colonial. Alors, je suis pas complètement certain que ce soit cela qui est en jeu aujourd'hui au Chili. Ce qui est certain, c'est que le mouvement est majeur dans la mesure où, pour la première fois depuis 1990, c'est-à-dire depuis la transition démocratique de l'après-Pinochet, on envisage très sérieusement de rompre avec la constitution qui avait été adoptée par Pinochet et qui sous laquelle le Chili vit depuis 30 ans. Et ça, je pense que c'est un moment important pour tourner la page définitivement de la dictature qui a laissé, on le sait, au Chili, à la fois son empreinte économique, puisque c'est elle qui a géré, je dirais, la mutation néolibérale dès 1973, mais qui a aussi laissé une empreinte politique très forte avec cette constitution. C'est-à-dire que le président menacé, un milliardaire élu il y a peu, ouais, Piñera, il reprend un langage militaire de suite en présentant une conflictualité sociale comme une guerre. Ça a été évidemment la première réponse que Piñera a donnée. Nous sommes en guerre, et là, aussi bien dans ce discours-là, qui rappelait l'anticommunisme des années Pinochet, que dans les formes de la répression, il y avait une forme de continuité. Ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est de voir que Piñera est celui qui propose la réforme de la Constitution. Et là, évidemment, comment interpréter cela? On peut peut-être imaginer que Piñera cherche avant tout à sauver le modèle économique chilien, et que pour sauver ce modèle, pour calmer, je dirais, les ardeurs du mouvement social, la seule solution, effectivement, c'est de faire cette concession constitutionnelle sans pour autant toucher au modèle de développement chilien. Bravo pour cette tentative de synthèse. L'Amérique latine, c'est combien d'habitants ? C'est 650, 670 millions d'habitants. On a été un peu ambitieux quand même aujourd'hui. Cette émission était préparée par Ilinka Negulesco, Aurore Juvenel. J'ai déjà cité Frédéric Martin, Franck Olivard. Il faut citer Audrey Ripouille et Elisabeth Collet à la réalisation et à la technique.